un signe, laisse-les tous estimer. Tu sais qui tu es, tu vaux plus que ça. Les laisse pas te guider vers la mauvaise voie. Va au-delà, au bout de ton rêve, baby. Même si tu dois trimer 10 fois plus, même si c'est la merde. Va au-delà, au bout de ton rêve, baby. Même si tu trébuches, relève-toi. Va au bout de ton rêve, baby. Ce qu'ont subi nos ancêtres, faut jamais forget. On porte sur nous de notre identité. La haine, c'est pas la solution au problème. Même si il est temps qu'on s'émancipe, ouais.